Je suis là, je le reste, je suis enraciné comme un chêne. Je regarde les gens passer, mais tu n'es pas là. Pourquoi? Je m'interroge. Toi qui m'aimes comme je suis, tu es parti. Je suis triste, impuissant. Je reste enraciné comme un chêne dans mon monde de tristesse. Je n'ai pas su comprendre tes avertissements, tes cris de détresse. J'étais là, enraciné dans mon monde, et je n'ai pas compris. Et je t'ai perdu.